Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Demain la Terre d'Ecoforum. Donc aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, je suis avec Joris qui est de l'Association Végétarienne de France. Bonjour Joris. Bonjour. Et donc c'est le thème de cette émission. On va parler d'alimentation et donc ceux qui voudraient devenir végétarien ou qui réfléchissent beaucoup à leur alimentation en ce moment, écoutez-nous. Lundi soir dernier, on a fait une conférence à Ecoforum au boulevard d'Athènes sur ce thème-là justement avec vous. Qu'est-ce que vous finalement vous êtes venu dire ce soir-là? Alors, nous étions deux, on est venu parler de toutes les bonnes raisons que l'on a de remettre en question notre consommation de viande, devenir végétarien éventuellement, ou en tout cas réduire fortement notre consommation pour l'environnement, pour des raisons humanitaires, pour la question de la faim dans le monde, pour les animaux avant tout, qui vivent dans des conditions avec l'élevage industriel qui sont extrêmement cruelles. Donc voilà, tout un tas de questions pour lesquelles le végétarisme peut être une solution. Alors, justement, par rapport à ça, vous venez de citer plusieurs raisons. Moi, l'autre jour, je mangeais au restaurant et à côté de moi, il y avait une mère et son enfant. Et le petit a dit, ils étaient en train de parler de quelqu'un qui était devenu végétarien. Et le petit a dit, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on se priverait comme ça d'une catégorie d'aliments. C'est dommage quand même. Et ça m'a interpellée un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a mis le doigt sur peut-être la seule bonne raison de manger de la viande, qui est celle du goût et du plaisir. C'est vrai qu'on a l'habitude de consommer de la viande, d'avoir toute une tradition culinaire autour des plats à base de viande. C'est peut-être la seule bonne raison de manger de la viande, parce qu'à côté de ça, il y a les raisons que j'ai citées. Après, il y a les problèmes de santé liés à la consommation de viande. Et à tout point de vue, la consommation de viande est problématique. Finalement, la seule bonne raison, c'est effectivement, c'est bon. Mais est-ce que c'est suffisant pour continuer à manger de la viande? Le plaisir qu'on va apprendre à la manger, la question se pose. Alors vous, si vous militez pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient végétariens, c'est pour quelle raison en premier lieu? Alors avant tout, moi ce qui m'a touché, c'est la question de la souffrance animale. J'avais un chien dont j'étais assez lié avec ce chien-là, et puis j'ai vu un documentaire qui parlait de la sensibilité, de l'intelligence des cochons notamment. Moi j'ai toujours vu les cochons dans des élevages, dans des situations un peu sordides, mais ce documentaire montrait les cochons dans un environnement naturel, et les montrait comme des animaux extrêmement intelligents, plus sensibles, plus développés même que les chiens. Ils ont une vie sociale, ils ont des relations assez fines et poussées entre eux et puis avec les humains. Et je me suis dit, mais pourquoi je mange du cochon et je ne mange pas mon chien? Pourtant, quelle est la raison pour laquelle je mange certains et puis pas d'autres? Et ça m'a posé un problème de conscience et je me suis dit que j'avais absolument besoin de cohérence là-dessus, que c'était illogique, je ne pouvais pas rester dans cet illogisme-là. Et donc voilà, j'ai décidé de ne plus manger, puisque je ne voulais pas manger mon chien ni mon chat. Je n'avais pas trouvé de bonne raison. Je suis toujours, en attente d'une bonne raison de manger du cochon. Combien d'animaux qui sont tués chaque année pour l'alimentation? Alors c'est difficile à évaluer parce que parmi les animaux, il y a les poissons qui sont extrêmement nombreux et donc on pêche en par tonne, qu'on comptabilise pas. Alors sur les animaux terrestres, il y a à peu près 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués par an dans le monde, dont 1 milliard en France, rapporté quotidiennement, ça fait 3 millions par jour. Aujourd'hui en France, il y a 3 millions d'animaux qui vont être tués pour notre consommation. 3 millions d'animaux terrestres, sans compter donc les poissons qui sont probablement 10 à au moins 10 fois plus nombreux, c'est-à-dire il y a plusieurs dizaines voire centaines de milliards d'animaux, de poissons qui sont tués chaque année dans le monde par la pêche. Alors quand on parle de végétarisme justement, est-ce que ça inclut être végétarien c'est quoi finalement? Parce que c'est vrai que des fois on a des végétariens qui mangent du poisson, des fois on sait pas trop finalement où ça se situe, il y a les végétaliens aussi, qu'est-ce que c'est être végétarien? Alors le végétarisme dans le dictionnaire, c'est l'absence de consommation de produits animaux, y compris poissons, donc de chair animale. Autour de ça, il y a le végétalisme qui lui proscrit tous les produits d'origine animale, y compris les sous-produits, donc y compris les œufs, les produits laitiers, éventuellement le miel. Donc ça c'est le végétalisme qui est un boycott finalement de tous les produits liés à l'exploitation des animaux. On entend parler aussi de flexitarisme de plus en plus, donc là ce sont des personnes qui ont un régime majoritairement végétarien, mais qui consomme de temps en temps exceptionnellement des animaux, de la viande. Donc ça c'est très à la mode, il y a un grand courant en ce moment de gens qui réduisent fortement leur consommation sans aller jusqu'à arrêter complètement la consommation de viande. D'accord. Et alors au niveau du traitement des animaux, on voit souvent enfin qu'ils sont quand même battus, enfin que ils sont. Est-ce que c'est vraiment ça la raison pour laquelle ou est-ce que finalement s'ils étaient bien menés jusqu'au moment de l'abattoir, est-ce que ça vous poserait moins de problèmes qu'ils soient mangés? Alors bon, la consommation de viande dans le monde a augmenté à peu près a été multipliée par 5 depuis la fin de la Seconde Guerre, en tout cas dans les pays occidentaux. Et cette incroyable progression de la consommation a impliqué de mettre en place des élevages intensifs et de mettre en place tout un tas de procédures qui vont permettre de produire plus de viande et qui sont intimement liées aux conditions de vie des animaux maintenant, qui sont élevés en batterie, notamment pour les poules, qui sont élevés en manière industrielle. Il y a des variétés qui sont sélectionnées, on produit des sortes de monstres maintenant, c'est-à-dire des animaux qui vont développer des kilos et des kilos de muscles parce que c'est ce qui va être plus vendeur. Et tout ça fait qu'on génère énormément de souffrance pour les animaux. Pour les poules pondeuses par exemple, on les entasse dans des cages, il y a 80% des poules qui sont élevées dans des cages où elles ont la souffrance d'une feuille à quatre pour vivre, on leur coupe le bec pour pas qu'elles s'attaquent mutuellement les unes les autres, et elles voient pas la lumière du jour, elles vivent sur un sol grillagé. Et ça, c'est la réalité pour l'immense majorité des animaux d'élevage en France. Les cochons sont élevés aussi à plus de 80% sur des caillebotis, c'est-à-dire dans des bâtiments avec des grilles sur lesquelles leurs excréments passent à travers. Et puis, c'est leur environnement de quotidien. Les poulets de chair aussi sont élevés essentiellement à plus de 80% en industriel. Les lapins, c'est quasiment 100% des lapins, la viande de lapin qu'on mange, 100% des lapins qui sont élevés dans des cages individuelles. Donc ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas vivre pleinement leur vie. Et tout ça, c'est lié au fait que la consommation de viande a extrêmement progressé et puis pour répondre à la demande qui est en constante progression. La demande est en progression par rapport à la viande. Justement, est-ce que vous notez une évolution du végétarisme? Est-ce que justement les gens se mettent à manger plus de viande? Alors au niveau mondial, la demande est en progression parce que beaucoup de pays en voie de développement ont envie de calquer le modèle occidental. Donc par exemple en Chine, on est passé d'un rapport de 3 à 60 sur les 50 dernières années sur la consommation de viande. Paradoxalement, dans les pays occidentaux, il y a une sorte de prise de conscience quand même là-dessus. Il y a a priori la consommation de viande de bovins, notamment de gros animaux, a diminué. Les gens sont de plus en plus réticents à manger de la viande rouge. Ça choque un petit peu plus dans un monde qui est devenu un peu plus citadin. Par contre, paradoxalement, la consommation de plus petits animaux, de viande blanche, de poulet, a beaucoup augmenté. Voilà, au niveau de l'impact, c'est a priori plus acceptable pour beaucoup de gens de manger de la viande blanche que de la viande rouge. Il faut savoir que dans tous les cas, au final, derrière, c'est beaucoup de souffrance, y compris pour les poulets. Et oui. Ou les poissons aussi, effectivement, dont on ne connaît pas. Dans l'idée générale, les poissons, c'est un petit peu comme les bébés d'il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire qu'on connaissait pas, on savait pas que les bébés étaient sensibles, donc on se permettait de faire de les opérer sans anesthésie. Les poissons, on a découvert assez récemment que les poissons sont des animaux comme les autres, ont un système nerveux, sont sensibles, et quand on va les pêcher dans les fonds marins, qu'on relève les filets et qu'on les laisse agoniser sur les ponts des bateaux, c'est de longues minutes de suffocation pour eux. En plus, on va les pêcher de plus en plus profond et avec la dépression, ils ont l'estomac qui ressort par la bouche, les yeux qui sont exorbités par le phénomène de dépressurisation. Et tout ça, ça cause d'énormes souffrances aussi pour les poissons. Donc, ils crient pas, ils n'ont pas de corde vocale comme les autres animaux pour manifester leur souffrance, mais ce sont des animaux comme les autres. Et malheureusement, la prise de conscience sur le fait que ce n'est pas anodin de manger de la viande de bovins, notamment de gros animaux, elle a des répercussions sur les poissons et les poulets qui eux aussi sont sensibles. Et quand j'entends tout ça, je me dis finalement, enfin, ces animaux qui sont en souffrance, élevés en batterie, etc., est-ce que finalement le fait qu'ils soient aussi malmenés jusqu'au moment de leur mort, est-ce que c'est pas ça en fait pas non plus des aliments mauvais pour la santé, enfin, entre guillemets, parce que c'est vrai que, enfin, on peut se poser cette question. Alors oui, les conditions d'élevage sont liées à des problèmes de santé publique parce que cette concentration d'animaux en très grand nombre dans un petit espace, avec aussi l'appauvrissement des variétés d'animaux. Il y a une sélection dont je parlais tout à l'heure qui a été faite, donc on va reproduire des animaux qui vont être les poules qui vont le plus pondre par exemple. On est passé de 60 œufs par an à 300 œufs par an. On fabrique des animaux qui deviennent beaucoup plus fragiles et puis on fait des sortes d'incubateurs avec à virus. Les grippes aviaires, voilà, tout ça qui se développe, voilà. C'est lié, vous pensez? Oui. Voilà, bah, oui, c'est même pas de l'ordre du ressenti, c'est scientifiquement prouvé qu'il y a de beaucoup plus de salmonelles, notamment. Alors il y a bien sûr les grippes qu'on a vues, grippes aviaires, les H1N1, H5N1, tout un tas de problèmes de ce type-là qui se développent dans ces laboratoires, y compris dans les élevages de poissons, puisqu'il y a la moitié des poissons qu'on consomme proviennent de l'aquaculture. Les poissons sont aussi entassés et développent des maladies. Le problème aussi, c'est que les poissons s'échappent assez facilement de leurs enclos. Enfin, régulièrement, il y a des poissons qui s'échappent, qui vont aussi contaminer les poissons sauvages avec ces virus ou ces maladies qui ont été développées en mode intensif. Et donc voilà, il y a des problèmes de santé publique de manière générale. Et puis ensuite, au niveau de la santé individuelle, la viande est aussi impliquée dans de nombreuses maladies. En France, c'est plus de 200 000 personnes qui sont officiellement malades avec un rapport à la question alimentaire. Et intimement lié à la viande, c'est à peu près 200 000 personnes par an donc, qui ont des maladies de type cancer du côlon, cancer de la prostate, diabète, cholestérol, problèmes d'obésité, des problèmes de tout type qui sont directement liés à la consommation de viande. Mais alors justement, souvent les médecins disent qu'être végétarien c'est mauvais pour la santé, qu'on va avoir des carences. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors souvent, les médecins français en particulier ont ce genre de discours-là. C'est pas, par exemple, la position de l'Association américaine du diététique, qui regroupe, c'est la plus grosse association de médecins nutritionnistes et diététiciens du monde, qui regroupe plus de 70 000 professionnels, qui a établi une position sur la question du végétarisme et qui l'a définie comme un régime parfaitement adapté à tous les âges de la vie, végétarisme et végétalisme, et probablement même meilleur qu'un régime omnivore traditionnel. Les médecins français en général, effectivement, sont assez peu informés sur ces questions-là. Dans le parcours d'un médecin en France, dans la formation d'un médecin, la question de la nutrition, c'est 2-3 heures dans la formation en entier. Je parle juste de la nutrition, pas du végétarisme en particulier. Donc leur notion en nutrition, s'ils se sont arrêtés là, sont vraiment très faibles. Alors après, bien sûr, il y a des médecins qui ont une conscience professionnelle plus importante et qui vont se renseigner par ailleurs. Mais voilà, il y a un gros manque d'informations de la part des médecins là-dessus, qui du coup est répercutée sur la population française qui se fie aux médecins qui sont très peu formés sur la question. Oui, alors on reviendra là-dessus sur ce qu'on peut faire justement, on reviendra un peu sur les solutions par rapport à ça. Et y a aussi d'autres raisons de devenir végétarien, notamment au niveau social, ça permettrait, il paraît, de nourrir plus de monde sur la planète. Donc quand on sait qu'on a atteint là dernièrement le chiffre de 7 milliards d'individus sur Terre, c'est quand même énorme et ça risque de se développer beaucoup d'ici 2015. On voit aussi là une solution pour nourrir tous les gens qui vont arriver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors le principe, c'est que pour produire des protéines animales, donc pour produire de la viande, il a fallu avant tout donner de l'alimentation, des protéines aux animaux. Donc pour produire un kilo de bœuf par exemple, il faut jusqu'à 10 kilos de protéines animales pour produire cette protéine-là, cette viande-là. Alors que c'est souvent l'alimentation des animaux et une alimentation hautement nutritive, on leur donne du soja par exemple ou d'autres aliments qui peuvent être donnés directement à la population, qui peuvent servir à nourrir directement des populations. Donc on a un énorme gaspillage de calories qui est fait par la transformation de protéines végétales en protéines animales. Et donc ça, par exemple, sur la question de la faim dans le monde, on sait qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Au Brésil, par exemple, c'est plus de 50 millions de personnes qui souffrent de la faim rien que dans ce pays-là. Alors qu'en parallèle, Presque la totalité de la population française, c'est ça, 50 voilà. Enfin, on est à 60 millions de Français, 50 millions, c'est énorme. Et donc en parallèle, on défriche la forêt amazonienne pour faire des champs de soja ou faire des pâturages pour les animaux qui vont servir à nourrir le bétail européen, donc les champs de soja, pour que nous on puisse donc manger de la viande ici. Et on occupe le sol brésilien pour ça, alors qu'en parallèle, il y a des gens qui pourraient sur place soit faire des cultures vivrières, soit consommer directement ce soja-là ou les autres productions qu'on peut faire pour nos animaux. Voilà, ça pourrait servir. C'est intimement lié, la consommation de viande est intimement liée au problème de faim dans le monde par la surface de sol nécessaire pour cultiver les aliments pour nos animaux. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est plus de 30% des terres du globe qui sont utilisées pour nos animaux. Donc voilà, il y a beaucoup d'études faites par des organismes, notamment la FAO, qui est l'organisme de l'ONU qui est destiné à l'alimentation et à l'agriculture, qui montre qu'on pourrait nourrir probablement quelque chose comme 10 ou 12 milliards d'habitants sur Terre si on allait vers une alimentation plus végétale. Voilà, donc il n'y aurait pas vraiment de problème de faim dans le monde si petit à petit on basculait dans une alimentation comme de ce type-là. D'accord. Bon, jingle alors. Écoutez Dialogue et voir autrement. On revient sur l'émission Demain la Terre, donc qui porte aujourd'hui sur l'alimentation et le fait d'être végétarien. On est avec Joris Barra, qui est de l'Association Végétarienne de France. Alors, on était en train d'évoquer un peu toutes les raisons qui peuvent pousser à devenir végétarien. On a vu qu'il y avait une question d'éthique par rapport à tous les animaux qui étaient tués. Près de 60 milliards dans le monde tués chaque année. Sans compter les poissons, oui. On a vu aussi qu'il y avait la question, finalement, d'alimenter plus de monde, finalement, sur la surface terrestre, quand on sait que la population est en train d'augmenter et qu'on ne sait pas trop comment on va faire pour nourrir toutes ces personnes. Et on a vu qu'il y avait la question de santé, qu'on pouvait même gagner au niveau de la santé à devenir végétarien. Alors au niveau de l'environnement aussi, on dit souvent qu'être végétarien, c'est contribuer à la protection de l'environnement. Pourquoi ? Alors la FAO dont je parlais tout à l'heure a mis en évidence le fait que actuellement on a un gros problème de réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre. Et donc la FAO a établi le fait que la production de viande, notamment bovine, est responsable de 18% de l'émission des gaz à effet de serre dans le monde. C'est un chiffre qui est supérieur à celui du transport par exemple, donc on pense souvent tout de suite quand on parle à effet de serre à moins prendre sa voiture ou à faire attention à des choses comme ça. Avant tout, la viande qu'on a dans notre assiette, elle est responsable en très grande partie de ça. Pour tout un tas de raisons, donc le gaz à effet de serre, c'est notamment le méthane qui va être produit par les bovins. Ce qui fait beaucoup rire les enfants quand on va en animation en école, les pets de vache. Voilà, oui, c'est ça. Et puis après, tout ce qui est lié à la transformation du produit, le transport, on va transporter les animaux jusqu'à l'abattoir, on va les transporter encore derrière jusqu'à les endroits où ils vont être transformés en viande. Les emballages, la réfrigération, il y a tout un tas de choses qui vont faire que derrière... Puis en parallèle, il y a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, la déforestation qui est nécessaire pour pouvoir faire cultiver des céréales qui va les nourrir, qui va raser une partie donc de la forêt amazonienne notamment, mais aussi d'autres terrains. La forêt amazonienne qui est une sorte de poumon qui va aussi, du coup, par sa disparition, avoir un impact important sur les gaz à effet de serre. Donc ça c'est le premier aspect au niveau environnemental qui est impacté par la consommation de viande. Ensuite, il y a le problème de la pollution de l'eau, gaspillage et pollution d'eau, parce que en France, on a presque tous en tête l'exemple de la Bretagne, qui est une région de fort élevage, où l'eau potable est quasiment plus consommée, plus consommable à cause de l'élevage intensif et puis des pollutions de l'eau qui sont liées aux pesticides, qui sont liées aux déjections des animaux qui s'infiltrent, qui sont liées aussi à tous les produits chimiques qui sont utilisés, aux antibiotiques, etc. Donc, oui, parce que les animaux aussi, on les soigne finalement, on n'y pense pas forcément. Hein. Bah oui, pour beaucoup de gens, les antibiotiques, c'est plus automatique maintenant, pour à titre pour personnel. Les animaux, mais par contre, voilà, ça reste automatique, justement. Exactement, et donc on les consomme aussi par la viande, c'est-à-dire que c'est pas détruit, les antibiotiques qu'on donne aux animaux ont aussi un impact sur nous, et contribuent aussi donc, aux effets négatifs des antibiotiques, c'est-à-dire à sélectionner des bactéries qui vont être toujours plus résistantes. Donc on a réglé une partie du problème, on est en voie de le régler pour les antibiotiques qu'on consomme nous, mais par contre le problème existe toujours pour les animaux qui sont bourrés d'antibiotiques de manière chronique. Ouais, quoi, manière chronique. Bon alors justement, on a vu un petit peu toutes les raisons de se battre pour que le végétarisme se développe. Alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas plus tout ça? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus que c'est finalement c'est presque bon pour la santé, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas que ça pollue l'environnement? Enfin, c'est des choses dont on parle très peu finalement. Hein. Oui, dont on parle très peu en France en tout cas, j'ai pas beaucoup d'expérience des pays étrangers, mais c'est le végétarisme est quand même beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre notamment, pour d'autres raisons dans d'autres régions du monde, pour des raisons, ça peut être pour des raisons religieuses aussi parfois, notamment en Inde. En France, je pense qu'il y a une assez forte résistance parce qu'on a un pays de forte tradition d'élevage, un pays aussi où la tradition culinaire est assez développée et basée autour de la viande, et puis aussi de plats qui sont vus par beaucoup d'autres pays du monde comme particulièrement cruels, comme le foie gras, comme les cuisses de grenouilles, où les grenouilles sont tuées, découpées vivantes, le foie gras avec le gavage des oies et canards qui est particulièrement cruel. Donc on a quand même toute cette culture-là qui est profondément ancrée en nous. Puis la question de l'alimentation, c'est aussi très lié à l'éducation, on a vu nos parents, nos grands-parents manger de la viande à toutes les sauces. Oui, et dire que c'était bon, que voilà. Ça rendait fort. Oui, puis on a tous, même moi par exemple qui suis végétarien, j'ai en souvenir le poulet du dimanche par exemple, c'est très lié à notre enfance aussi. Et donc c'est vrai que quand on a cette culture-là, cette tradition-là, c'est difficile de prendre le recul nécessaire et d'avoir l'objectivité, une objectivité suffisante pour pouvoir prendre en compte toutes ces raisons-là. Alors, qu'est-ce que vous demandez en tant que végétarien pour que les choses avancent? Enfin, qu'est-ce que vous, voilà ce que vous attendez Alors, au sein de l'Association végétarienne de France, on a une campagne en ce moment qui est celle de l'instauration d'un jour végétarien par semaine. Donc, un bon moyen pour sensibiliser la population à ça, ça serait déjà dans les écoles ou dans la restauration collective en général, de prendre l'habitude une fois par semaine d'avoir un jour pendant lequel on ne mange pas de viande, avec la sensibilisation qui va autour, l'information qui va autour. Ça permettrait donc déjà de faire parler du sujet, puis de montrer qu'on peut très bien manger un repas qui est très bon, équilibré, qui est savoureux et qui ne contient pas de viande. On le fait tous plus ou moins parce que tout le monde mange végétarien de temps en temps, enfin on mange tous, personne ne mange de la viande vraiment à tous les repas systématiquement, mais on n'est pas forcément conscient de tous les plats et de toutes les recettes qui peuvent exister. Donc ça serait un bon moyen de visibiliser le végétarisme voilà. Donc ça c'est des décisions qui peuvent se prendre au niveau des pouvoirs publics, la restauration collective notamment. Voilà. Et à Marseille, il y a une bonne démarche qui a été entreprise cette année pour ça, puisque dans les cantines scolaires marseillaises, depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il y avait de la viande au repas, il y avait systématiquement une alternative sans viande proposée, qui incluait malheureusement du poisson, mais c'était déjà un bon premier pas. Oui. Mais ça vient d'être remis en question par un décret qui a été publié récemment, là en septembre, donc c'est un décret gouvernemental qui veut imposer la viande à tous les repas quasiment, ou en tout cas interdire la possibilité de manger végétarien dans les cantines scolaires, qui est selon nous vraiment, enfin le décret a été vraiment est le fruit de pressions importantes de la part de la filière, des filières d'élevage en France, oui, qui sont très puissantes. Et oui, parce qu'il y a tout un lobby derrière. Hein, exactement, oui, avec beaucoup, financièrement beaucoup d'enjeux derrière. Donc voilà. Deux minutes. Oui, il nous reste 2 minutes d'émission. Alors, est-ce qu'on peut pas dire, enfin, c'est vrai que on a beaucoup de gens qui veulent des menus halal, des menus kasher. Pourquoi un menu végétarien finalement Le menu végétarien, justement, c'est pas défendre des intérêts particuliers, enfin. Oui, les cantines marseillaises, justement, la municipalité à Marseille avait finalement opté donc pour ce début d'année pour un menu sans viande. Pas tellement parce que la mairie était plus sensible à la question du végétarisme pour l'environnement, les animaux, mais aussi parce qu'elle avait compris que c'était un dénominateur commun à la plupart des régimes alimentaires, notamment pour des raisons religieuses. Oui. C'est les fruits, les légumes, les céréales, ce sont des produits qui ne posent généralement pas de problème dans aucune culture, aucune tradition. Donc ce sont des repas qui peuvent être mangés par les musulmans, par les juifs, par toute la population, y compris les végétariens. Donc ça peut représenter une bonne solution pour aussi tous ces problèmes liés aux interdits alimentaires dans différentes religions. D'accord. Et vous alors, pourquoi, avec votre histoire personnelle, finalement vous avez été amené à devenir végétarien ? Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc pour moi c'est essentiellement des raisons éthiques qui m'ont motivé au départ, donc ce problème d'incohérence en pourquoi manger les uns et caresser les autres, et puis après petit à petit, donc ça a été un peu le déclencheur, et puis petit à petit je me suis rendu compte, j'ai découvert que le végétarisme avait aussi un impact positif dans tout un tas de domaines, et c'est devenu une évidence pour moi que c'était un régime alimentaire qui, c'était pas très compliqué, au quotidien ça implique quelques changements d'habitude, mais par contre, l'impact derrière peut être très important. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Alors je vais vous laisser juste donner un petit mot pour les auditeurs qui seraient intéressés pour pouvoir avoir des informations. Donc sur le site internet, est-ce que vous pouvez nous le donner ? Alors oui, donc on a une délégation à Marseille de l'Association Végétarienne de France. Le site internet c'est végétarisme.fr/Marseille. D'accord. Bien, voilà. Donc rendez-vous-y pour avoir plus d'informations. Je vous remercie beaucoup pour cette émission et à très bientôt sur l'émission Demain la Terre d'Écoforum. Au revoir. Merci à vous.